Le lundi matin, en arrivant dans son service, Nadine Clément commença par tancer vertement sa secrétaire avant de s'en prendre à une aide-soignante. Puis elle reporta sa colère sur l'équipe des kinés, choisissant Georges Mattei comme bouc émissaire. À 10h30, lorsque Pascal apporta un gobelet de café à Aurore dans le local des infirmières, une atmosphère de plomb régnait sur la pneumo. « On ne te met pas sur son chemin », chuchota Aurore. « Elle est d'une humeur de chien enragé. » « Comme tous les jours, non ?» Avec un soupir de lassitude, Pascal se jucha sur le bord d'un évier. Le petit garçon de la chambre 7 n'ose pas se servir de sa pompe à morphine. Il faut absolument l'aider. L'enfant en question avait subi une grave intervention quelques jours plus tôt et souffrait beaucoup. « Je passerai le voir toutes les heures », promit Aurore. Georges Mattei entra en coup de vent et s'arrêta net en découvrant Pascal. « Oh, excusez-moi, je vous dérange ?»« Non, on fait la pause », répondit précipitamment Aurore. « Tu peux la faire avec nous ?»« Alors je vais me chercher du café aussi. Vous en voulez un autre ?» Elles acquiescèrent ensemble et attendirent qu'il se soit éclipsé pour étouffer un rire. « C'est toi qui le cherchais ?» dit Aurore avec une moue dépitée. « Moi, je crois qu'il ne sait pas laquelle choisir. Et si tu l'encourageais un peu ?»« Il est très timide. Tous les hommes le sont », affirma Pascal, en se rappelant la manière dont elle avait fait rougir Laurent Villeneuve avec un seul regard. Dehors, la pluie tombait sans discontinuer depuis le matin, et une rafale de vent fit trembler les fenêtres. « Quel temps affreux !» soupira Aurore. « On fera une flambée ce soir. Tu as du bois ?» Il y a un gros tas de bûches contre le mur d'enceinte, au-delà de la serre. À propos de la serre, plein de carreaux sont cassés sur le toit. On ne s'en rend pas compte à cause de la végétation, mais je l'ai très bien vu en survolant Pérol avec Sam avant-hier. C'est comment d'en haut ? Tout petit, une maison de poupée, entourée d'une vraie jungle. Il faut absolument qu'on se fasse un dimanche râteau-brouette, ça ne ressemble plus à rien. Georges revint, chargé de 3 gobelets en équilibre précaire, dans un haricot d'émail. « Bon, je me dépêche de boire celui-là et j'y retourne », décida Pascal, en abandonnant son perchoir. À cet instant, la porte se rouvrit à toute volée, et Nadine Clément se campa sur le seuil, les bras croisés. Son regard se posa une seconde sur le haricot où le café avait débordé, puis s'arrêta sur Pascal. « Vous n'avez rien d'autre à faire, je suppose ?» Sans lui laisser le temps de répondre, elle interpella Georges. « Je vous croyais débordé de travail. » C'est bien l'explication fantaisiste que vous m'avez fournie tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, votre place n'est sûrement pas dans le local des infirmières. Débarrassez-moi le plancher. » Elle s'écarta pour le laisser passer, avant de s'adresser de nouveau à Pascal, ignorant Aurore telle une quantité négligeable. « Inutile de vous réfugier ici. Je sais que c'est votre cachette favorite pour tirer au flanc. Dans mon service, les médecins sont à leur poste. Si vous vous en sentez incapable, allez chercher un emploi ailleurs. » Très calme, Pascal fit front, bien décidé à ne pas se laisser tyranniser. « J'ai vu tous mes patients, madame. Je prenais juste un café en attendant l'heure de la visite. » La visite du professeur Clément avait lieu chaque matin à 11h précise. Et à ce moment-là, Nadine exigeait toute son équipe derrière elle, comme n'importe quel patron. Mais il restait encore 10 minutes. « J'espère que vos dossiers sont à jour et que ma secrétaire a tous vos comptes rendus. » « Absolument. » Le regard étincelant de rage, Nadine toisait Pascal sans parvenir à lui faire baisser les yeux. Elle allait probablement la mettre sur la sellette devant chacun de ses malades en faisant le tour des lits de l'étage, mais Pascal se sentait sûr d'elle. À plusieurs reprises, Nadine avait voulu la coincer avec des questions pointues, auxquelles Pascal avait toujours donné la bonne réponse. Consciencieuse, perfectionniste, forte de la solide expérience acquise à l'hôpital Necker, elle traitait chaque cas de son mieux et n'avait aucune raison d'être inquiète. « Je ne vous apprécie pas, docteur Fontanelle, » lâcha brusquement Nadine avec un petit ricanement très méprisant. « Autant que vous le sachiez. »« J'en prends note, » répliqua Pascal d'un ton neutre. Interloquée par la désinvolture de la réponse, Nadine hésita, puis choisit de claquer la porte violemment. Elle remonta le couloir au pas de charge, faisant fuir les internes qu'elle croisait. Une fois à l'abri dans son bureau, elle attrapa un presse-papier offert par un laboratoire et le jeta de toutes ses forces contre un mur. Pourquoi s'était-elle laissée aller à une réflexion aussi personnelle ? Et devant une infirmière en plus. L'altercation ferait le tour du service avant midi et de tout l'hôpital avant ce soir. J'en prends note. Quelle suffisance, quelle morgue ! Elle devait casser cette petite conne si elle ne voulait pas perdre la face. Elle trouverait bien une faute professionnelle, Au besoin, l'inventerait. De toute façon, elle ne pouvait plus la supporter. Rien que la regarder la rendait malade. Elle avait l'impression de revoir Camille. Se forçant à s'asseoir et à respirer lentement, elle ferma les yeux. En réalité, ses souvenirs concernant Camille s'étaient beaucoup estompés avec le temps. Quand cette idiote avait suivi son Raoul à Paris, Nadine avait quoi, 25 ans ? Et déjà, elle ne la voyait plus depuis des années, indifférente à son sort. Les Montag avaient rayé de leur vie cette pièce rapportée, cette verrue honteuse arrivée dans leur famille. Peu leur importait ce que deviendrait la bâtarde, ainsi qu'ils l'appelaient. Et ils s'étaient dépêchés d'oublier son existence. Bien plus tard, ils avaient été stupéfaits d'apprendre qu'elle était revenue dans la région et avait épousé Henri Fontanelle. Rien que ça. Nadine, elle, s'était mariée avec Louis Clément. Ce mariage ne l'avait pas empêchée de poursuivre sa carrière médicale, d'autant moins qu'elle s'était retrouvée veuve à 40 ans et avait pu se consacrer entièrement à son métier, jusqu'à ce titre suprême de chef de service. Elle rouvrit les yeux et consulta sa pendulette de bureau. 10h57, il ne lui restait plus que 3 minutes pour achever de se calmer. Manifestement, Pascal Fontanelle ne savait pas à qui elle avait affaire, ce qui conférait un avantage certain à Nadine. Au début, constatant que Villeneuve voulait vraiment lui donner le poste, et tout ça pour faire plaisir à son copain Samuel Hoffman, Nadine s'était imaginé qu'une inévitable confrontation aurait lieu entre elles deux. Mais ce nom de Clément ne disait évidemment rien à Pascal. Les choses auraient pu en rester là si cette fille n'avait pas porté sur elle les traces de son métissage. Sans ses grands yeux sombres, ses cheveux trop lisses, son teint d'asiatique, Nadine serait peut-être arrivée à l'ignorer. Hélas, sa ressemblance avec Camille était trop irritante et sa manière de répondre avec arrogance tout à fait insupportable. Nadine eut soudain la vision de son père en uniforme. Bel homme, bel officier qui avait eu des récompenses pour sa campagne d'Indochine, dont il ne parlait guère. Devant elle, une fois seulement, il avait évoqué la prise du fort de Langson, âprement défendu contre les Japonais par une poignée de Français. Il avait fait partie de ces soldats auxquels l'ennemi avait présenté les armes avant de les faire prisonniers. Il ne racontait pas volontiers, il se contentait de poser un regard triste et tendre sur la petite Camille. Alors Nadine se sentait dévorée de jalousie. Elle tapait du pied, exigeait de monter sur les genoux de son père. Il la laissait faire et se taisait. Qu'aurait-il pu dire ? Elle était sa fille aînée, sa vraie fille. Elle avait tous les droits. Repoussant ses souvenirs indésirables, Nadine se leva. Elle n'était plus une petite fille, et Abel Montag n'était pas un héros. N'avait-il pas trahi sa femme et ses enfants légitimes ? D'ailleurs, il était mort dans son lit, comme Monsieur Tout-le-Monde. Elle se débarrassa de sa blouse blanche, enfila sa veste de tailleur. Elle effectuait toujours sa visite en tenue de ville, pour se démarquer de son équipe, parce que c'était elle le patron, le grand patron.